On va montrer comment faire ce rap de merde. Mesdames et messieurs, la renaissance de l'antiquité, la naissance d'un nouveau capitalisme, le nouveau rap mondial. Le roi Enoch a choisi entre quelques rares personnes pour préserver le trésor de l'antique. La connaissance qui fut transmise des anciens qui ne fut jamais révélée à la masse. On s'organise dans les loges, mais groupes fondamentaux qui disposent de pouvoirs essentiels en franc-maçonnerie. L'église inversée, la lignée luciférienne, béni par la reine Elisabeth. Okinawa, ce que je veux dire, négro. Ouais, hein? Ouais, ouais. Procédure secrète m'ont amené à des serments secrets. Le danger venant des excès de lesbiennes sur la cocaïne qu'ils sucent sur les champs en Porsche juste avant de l'accidenter. En plus, j'en ai rien à cirer. Tant que je survis, j'ai des assurances pour cela. Le lendemain, je m'accapare d'une Ferrari bénie par le pape Benoît. En ce moment, j'étudie les livres de la Gestapo pendant que ces négros prient le petit Jésus. Les élites me bonifient, épiscopal, l'Opus Dei. Je suis en accord avec le régime chinois. Rien à foutre de ces petits négros qui ne font pas le poids. Mes gros Uzi sont braqués sur toi. Fusil, crack, drogue, sexe, extorsion, trafic humain. Why not, James Vescro. Fusil, crack, drogue, trafic de bombes nucléaires, sexe, extorsion. Why not, James Vescro. Échange de prisonniers. Du rap mondial, je suis l'épine dorsale. L'église épiscopale en parle, en disent des bêtises, je m'en fous pas mal. Au fait de l'hiérarchie de la poésie, je lis. Descends derrière moi une bande d'ennemis d'ignominie. Je fais plus de bruit que Usano Pavarotti. Je jouis les fruits impies à cause de l'agonie de cette ville. De Marie-Jeanne, je grimpe des grammes et mécanique une tonne de dames. Pour ratatam de 12 dames. Respecte mon style, 365 jours l'année. Chaque jour l'esprit fertile, y'avait des espaces pour ces rappeurs-villes. Les années de ces styles, ne viens pas t'obstiner si ton style est à peaufiné. Roi Enoch et l'escroc vont t'estropiller. Pas de pardon, respecte mon jargon. Les micro-marathons, ton abandon conduit l'exode de ton escadron. Hip-hop mon attribut, statué âge inconnu. Sur les pages de mon ouvrage, les textes sont sages et incongrus. J'incarne le verbe venant des ténèbres. Mes proverbes très acerbes seront célèbres. Comme un père pour ces rappeurs en herbe. Fusil, crack, drogue, sexe, extorsion, trafic humain. Why not, James Vescro. Fusil, crack, drogue, trafic de bombes nucléaires, sexe, extorsion. Why not, James Vescro. Échange de prisonniers. Niburu approche.